La science CQFD, Natacha Triou. Pour ce vendredi grand portrait, on rencontre une biologiste et l'une des plus grandes spécialistes du blob, Audrey Dussutour, est notre invitée. Ni végétal, ni champignon, le blob est loin de tout ce que l'on connaît et remet en question tous nos a priori sur la cognition. Si cet ovni scientifique est si populaire, s'il fascine journalistes et grand public, c'est en grande partie grâce à cette chercheuse. Des fourmis au blob, Audrey Dussutour n'a jamais cessé d'explorer d'autres formes d'intelligence tout en inventant de nouveaux moyens pour vulgariser les sciences. Car c'est aussi grâce à elle qu'un blob a voyagé dans l'espace à bord de l'ISS. Audrey Dussutour, la blob trotteuse. Audrey Dussutour, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Mille merci d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Et puis merci à vous qui nous écoutez. Je vous invite également à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet. Chaque jour, on vous poste de nombreuses sources, études pour compléter l'écoute. C'est tout de suite à Science CQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de votre parcours, du fil rouge de vos recherches, de comment le blob et les fourmis nous interrogent sur les concepts de communication, de cognition, mais aussi de votre engagement pour la vulgarisation. Mais pour commencer, Audrey Dussutour, je vois que vous n'êtes pas venue toute seule. Est-ce qu'on peut décrire ce deuxième invité qui est à vos côtés? Oui, deux invités à mes côtés, deux clones, deux petits blobs prénommés Lu. Alors, si on devait décrire ce qu'il y a à côté de moi, c'est comme une omelette qui serait dans une petite boîte de 10 cm de diamètre. Et donc, dans chacune de ces boîtes, c'est un blob. Un blob, c'est un organisme qui a qu'une seule cellule, mais elle est largement visible à l'œil nu, puisque là, on la voit très très bien. Elle a une particularité, cette cellule, habituellement, une cellule a un seul noyau, donc elle est toute petite. Le noyau, c'est là où on va trouver, en fait, l'ADN de la cellule. Et bien, le blob, lui, il a plein de noyaux. Il fait plein de copies de son ADN, de son mode d'emploi. Et donc, c'est pour ça qu'on a des cellules qui sont très, très grandes. Le blob, il n'a pas vraiment de limite de taille. On pourra en reparler quand on parlera de médiation, puisqu'avec les enfants, on a essayé de faire le plus grand blob. On a été plus limité par le nombre de blobs que vraiment par le blob lui-même. Donc, on ne sait pas la taille maximale que peut atteindre un blob. C'est plusieurs mètres carrés, ça, c'est certain. Dans la nature, par contre, ça va faire 20 cm carrés. Les gens, habituellement, confondent le blob avec un champignon. Les gens, souvent, me disent « Ah, mais j'ai déjà vu ça !» Je croyais que c'était un champignon. Non, non. La différence avec un champignon, c'est que le blob, c'est mobile, ça se déplace dans son environnement. Ça se déplace pas très, très vite. Hein, quand c'est très énervé, quelques centimètres à l'heure. On va pas le voir bouger, là, dans le studio. Enfin, j'espère. Et c'est un organisme qui a vraiment des particularités qui sont proches des animaux et des champignons parce qu'on a des lointains ancêtres avec les blobs. Finalement, nous, humains, on est plus proches des champignons que des blobs, mais on est sur quand même la même lignée. Donc, on a des lointains ancêtres communs avec les blobs. Donc, c'est une cellule qui est assez proche d'une cellule animale. Elle a ce lu, ce blob dans cette boîte de pétri qui ressemble donc à une omelette très très jaune. C'est une couleur... Tous les blobs sont jaunes comme ça? Alors, blob, c'est l'espèce qu'on appelle Physarum polycéphalum, en nom latin. Et Physarum polycéphalum est toujours jaune. Mais il y a d'autres espèces, cousines, par exemple Physarum roseum, c'est le même mais en rouge, c'est beaucoup plus Halloween quoi. Et il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont orange, mais Physarum polycéphalum, lui, toujours jaune. Alors quand on est écolier, on nous apprend les trois grands règnes, animal, végétal, champignon. Le blob va à l'encontre de tout ce qu'on a appris à l'école. Il appartient donc à un autre règne, celui des amibozoaires. Qu'est-ce que c'est que ce règne? En réalité, on nous parle de trois règnes à l'école, alors qu'il en existe neuf au moins. Donc, on nous parle d'un tiers de la biodiversité. Parce que tout ce qui est dans l'invisible, dans le tout petit, on nous en parle pas. Ce qui est bien dommage, parce que c'est aussi extraordinaire que ce qui est dans le visible. Et le blob, donc, il fait partie d'un règne qui s'appelle les amibozoaires, qui regroupe des organismes qui sont unicellulaires. Habituellement, on les voit pas à l'œil nu. Ça fait entre 50 microns et 200 microns, donc c'est tout petit. Et la particularité des amibozoaires, c'est de pouvoir se déformer. C'est-à-dire que la cellule, elle peut prendre n'importe quelle forme, elle fait des excroissances, qu'on appelle des pseudopodes, comme des petits bras, en fait, qui vont explorer leur environnement. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique des amibozoaires. Et dans les amibozoaires, il y a une classe particulière qu'on appelle les myxomycètes, du grec champignon gluant, puisqu'à l'époque, on pensait que c'était des champignons. Et c'est là où on va trouver notre blob. Et les myxomycètes sont des amibozoaires, mais qui sont de très, très grande taille. Ce sont des cellules géantes qui font, elles aussi, des excroissances, comme ça, dans leur environnement, quand elles explorent. Mais voilà, elles sont tout le temps visibles à l'œil nu. Et c'est un organisme comme une seule et unique cellule géante. Les scientifiques ont eu de la difficulté à le classifier. Oui, très longtemps. Parce que le problème des scientifiques, à l'origine, c'est qu'ils regardaient différentes étapes du cycle de vie du blob. Au tout départ, le blob, il est issu d'une spore. Donc c'est tout petit, une spore, ça fait 5 à 10 microns, c'est vraiment tout petit, c'est comme une petite poussière. Et quand cette petite poussière va tomber en fait dans un milieu humide, elle va germiner comme une petite graine, un petit peu. Ça va donner une cellule flagellée, c'est proche, c'est pas un spermatozoïde, mais ça ressemble un petit peu, une petite cellule avec deux petits flagelles. Et cette petite cellule, elle va partir à la recherche d'une autre cellule pour trouver chaussure à son pied, hein, pour se reproduire. Et chez le blob, on a 720 types sexuels différents. Donc, cette petite cellule qu'on appelle une myxamibe, bon, disons qu'elle n'aurait pas de bol si dans la nature elle tombait sur une cellule qui avait le même type sexuel. Et si donc elle trouve chaussure à son pied, elle va fusionner et ça va former un tout petit œuf qui est miniature. Qui fait vraiment, c'est une toute petite taille. Et c'est celui-ci qui va grossir et donner le blob. Et ensuite, quand le blob va arriver à maturité, il va se transformer totalement et il va former ce qu'on appelle des sporanges ou aussi sporocystes. Ce sont des petits pieds surmontés d'une boule. Et dans cette boule, on va trouver 100 000 spores à chaque fois à peu près. Et donc, il se transforme totalement. C'est-à-dire que lui, quand il rentre en reproduction, la différence de nous, c'est que son corps disparaît puisque son corps se transforme entièrement en petit rejeton, quoi, en sa descendance. Et donc, les scientifiques, ils ont d'abord regardé la petite cellule sexuée. Ils ont dit, ah ben ça, c'est une cellule animale. Donc, ils ont dit, ça doit être un animal, ça bouge beaucoup. Il y en a qui ont regardé les sporanges. Ils ont dit, ah ben ça, c'est la reproduction typique des champignons, ça doit être un champignon. Et ceux qui ont regardé le gros blob jaune, ils ont dit, ah ben ça doit être une fleur, ça doit être une plante. Donc, en fait, ils regardaient la même chose, mais c'était des spécialistes différents. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de regarder un seul et unique organisme. Et c'est que dans les années vraiment 70 qu'on a su que ce n'était ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Et il a été classé dans un grand fourre-tout. Qu'on appelle les protistes. Les protistes, c'est tous les organismes qui ne sont pas animaux, champignons et végétaux. Et maintenant, ces protistes, ils sont séparés en 6 grands règnes dont on ne parle jamais, dont les amibozoaires. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la nature du blob. Il y a plusieurs phases du blob. Il y a une phase animée et une phase endormie également. Oui, c'est ça. Dans le blob, il a une chance que nous n'en avons pas. C'est que quand les conditions environnementales ne sont pas favorables à son développement, c'est-à-dire quand il commence à faire sec ou qu'il n'y a plus de nourriture, il peut rentrer en dormance, c'est-à-dire que la cellule s'arrête totalement de fonctionner, elle ne bouge plus, elle devient brune, friable, toute l'eau disparaît et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un petit peu à un lichen. Sauf qu'en fait, c'est un blob en dormance et il peut rester ainsi pendant plusieurs années. Ça dépend comment on le conserve. Et pour le réveiller, c'est un petit peu comme les gremlins, il suffit d'une petite goutte d'eau et ça repart. Voilà. C'est comme pour l'élevage des gremlins, il y a des règles simples à respecter pour l'élevage des blobs. Exactement. Alors, son nom scientifique, vous l'avez dit, c'est Physarium polycephalum. C'est vous qui l'avez baptisé ainsi, en référence à une série Z des années 50 avec Steve McQueen. S'il avait un esprit, on pourrait le raisonner. S'il avait un visage, on pourrait le regarder dans les yeux. S'il avait un corps, on pourrait le détruire. Maintenant, l'homme n'est plus l'être suprême sur cette planète. Cet organisme grandit à une allure diabolique et de la vie de tous, il est à l'heure actuelle à 1000 fois la taille de sa masse originelle. Personne ne me croit quand je raconte ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux cet organisme vivant. Je crois qu'on l'a mis en colère. Le blob. La terreur n'a pas de forme. Voilà, une gelée anglaise qui dévore tout sur son passage. Audrey Dussoutour, pourquoi vous choisissez ce surnom? Alors, je suis extrêmement cinéphile et je connaissais ce film qui est de loin le plus mauvais film de Steve McQueen. C'est un de ses premiers films. Mais ce qui m'avait marqué dans ce film, c'était cet organisme qui grossissait. Et le blob, c'est exactement ça, puisque le blob qu'on a à côté de nous, là, il triple de taille tous les jours. Normalement, ça double, mais cette souche-là, lui, elle triple de taille tous les jours. Et donc, c'est vraiment une croissance exponentielle. Et c'est assez troublant. Et il n'y a pas vraiment rien qui l'arrête. Par exemple, dans cette petite boîte-là, il a fini de manger, il va sortir. Et il va commencer à explorer son environnement. Et donc, c'est vraiment, il y a ce côté un peu monstre, gluant. Et ça m'a de suite fait penser à ce film-là. Oui, dans votre ouvrage, Moi, le blob, paru chez Humaine Science, vous dites, le blob peut se développer au point de faire 10 hectares après un mois, soit la surface de la place de la Concorde. Après 2 mois, il pourrait atteindre la superficie des États-Unis et il faudrait 10 jours de plus pour recouvrir la planète Terre. Oui, tout à fait. Si on fait le calcul et qu'il aurait les conditions idéales, c'est-à-dire des tonnes d'avoine, de l'obscurité et des conditions d'humidité adéquates, il pourrait. En effet, ça ne s'arrête pas, puisque nous, on a au laboratoire actuellement un blob qui a 3 ans. Donc, vous imaginez, 3 ans qui double de taille tous les jours. Oui, ça fait... On parle de vous qui prénommez le blob de cette façon, mais comment ça s'est passé la première fois que vous rencontrez un blob ? Racontez-nous. Alors, ça n'a pas été une grande histoire d'amour au premier regard. Quand on me l'a amené, c'était donc en 2008, en Australie. Je travaillais en Australie à l'époque. Et c'est une jeune collègue qui me l'amène parce qu'on devait faire des expériences de nutrition dessus. Et elle m'a amené voilà une boîte comme ça et j'avoue que j'ai pas été non plus emballée. Bon, on peut voir l'odeur, le sentir, ça sent bizarre. Bon, voilà, quand on regarde ça, on voit une omelette et je l'ai posée dans mon tiroir, puis j'ai refermé. Et puis le lendemain, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai posé cet organisme dans mon tiroir, j'ouvre et là, il y en avait partout. Et je me suis dit, ah, là, il y a eu le coup de foudre. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le coup de foudre, parce que vous êtes, vous soupçonnez pas ces pouvoirs d'évasion. Exactement, et puis c'était le côté, c'est de l'anthropomorphisme, mais c'était le côté un peu facétieux. Il avait commencé à explorer, à trouver un vieux cookie que j'avais laissé traîner dans mon tiroir, donc il y avait ce côté, il s'était débrouillé tout seul, il était sorti de son Tupperware. Ça m'a bien fait marrer. Alors pourquoi étudier le blob ? Parce que c'est l'un des êtres vivants les plus primitifs et l'un des plus simples ? C'est un organisme qui est relativement simple, du moins c'est ce que je croyais. Quand j'ai débuté, je travaillais donc sur les fourmis et je me suis dit en travaillant sur le blob, ça va être plus simple puisque moi ce qui m'intéresse c'est les questions autour de l'intelligence distribuée, donc l'intelligence qui n'est pas centralisée à un point précis. Et donc le blob c'est parfait parce qu'il n'y a pas de système nerveux, c'est une grande cellule et dans cette cellule si on la regarde de près on voit qu'il y a un réseau veineux, elle se déplace, elle peut prendre des décisions, elle peut trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, etc. Elle est capable de résoudre des problèmes et je me suis dit j'arriverai plus facilement à comprendre comment elle fait vu que c'est qu'une cellule. Et très vite je me suis heurtée à ma naïveté. En réalité le blob c'est extrêmement complexe. J'aurais dû prendre une cellule déjà avec un seul noyau, c'est beaucoup plus simple. Non, c'est vraiment un organisme qui nous amène à réfléchir différemment parce qu'on a tendance quand on travaille sur le comportement des animaux à se dire ils voient le monde. Ça ne doit pas être si différent que nous. Ils ont des yeux, un système auditif. Blob, il a pas tout ça. Donc, en fait, il perçoit le monde tellement différemment de nous. Donc, il interagit avec son environnement d'une façon dont nous n'interagissons pas avec notre environnement. Donc, c'est très difficile de se mettre à la place du blob. C'est vraiment une cellule qui perçoit son environnement, qui réagit en temps réel. Oui, exactement. Elle peut percevoir des stimulus chimiques. Donc, par exemple, elle peut repérer une bactérie à distance. C'est ses proies préférées. Elle peut repérer l'humidité, le pH, la gravité, donc elle est vraiment, c'est vraiment une cellule sensorielle. Et c'est vrai que ça nous surprend. Quand on regarde ça, on ne se dit pas que bon, ça peut être capable de faire des choses. Toujours du point de vue de la recherche, est-ce que étudier le blob, ça peut nous permettre à comprendre l'apparition d'organismes tels que les mammifères ou autres ? Est-ce que le blob pourrait nous informer sur la multicellularité ? Alors oui, parce que il a une forme de... Alors il n'est pas multicellulaire, mais en réalité, il n'est pas unicellulaire non plus. Il est entre les deux. Et donc forcément, ça nous renseigne sur la transition entre l'unicellularité et la multicellularité. C'est un petit peu comme si c'était arrêté en chemin. Donc il fait la multiplication des noyaux, mais il ne fait pas le phénomène qu'on appelle la cytodiérèse, qui est la séparation de la cellule en deux. Donc la cellule ne suit pas. Le noyau se divise, mais il reste dans la même cellule. Et donc on se retrouve avec des cellules avec des millions de noyaux. Donc on n'est pas loin finalement d'un multicellulaire, c'est juste qu'il n'y a pas de paroi. Oui, ça pourrait nous renseigner donc sur les grandes transitions. Voilà. En tout cas, ça peut nous donner une autre histoire évolutive qui a eu lieu dans une autre lignée. Donc, c'est toujours intéressant de façon de regarder ces organismes qui ont émergé. Le blob, c'est les premiers amibosaures, c'est plus d'un milliard d'années. Donc, c'est très, très éloigné. Alors, l'autre chose étonnante, donc pas de muscles, pas d'intestin. On vient de parler de ses capacités exploratoires. Et ça, en effet, il y a un chercheur japonais, Toshiyuku Nakagaki, qui a montré que le blob pouvait élaborer des stratégies. Oui, tout à fait. Alors, Toshi, il a montré que le blob pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Donc, en fait, il a fait un tout petit labyrinthe sur une petite gélose. Alors, une gélose, c'est un petit substrat humide qu'on utilise pour le blob. Et il a placé du blob partout dans le labyrinthe. Et à l'entrée et à la sortie du labyrinthe, il a placé deux flocons d'avoine, qui est la nourriture que le blob adore en laboratoire. Il a vite vu que le blob, il a minimisé en fait sa taille, sa forme, pour utiliser que le chemin le plus court pour relier les deux flocons d'avoine. Donc ça, c'était sa première recherche qu'il a publiée en 2000 dans la revue Nature. Et ça lui a valu le prix Ig Nobel. Et non, le prix Nobel. Le prix Ig Nobel, qui est pour les recherches qui font sourire, mais qui sont quand même très sérieuses. Les sciences insolites. Voilà. Et il l'a eu deux fois. Parce que la deuxième fois, il a montré, toujours sur l'optimisation des déplacements du blob, que le blob pouvait finalement outrepasser les ingénieurs ferroviaires japonais. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des mini-cartes géographiques du Japon. Donc, il y avait Tokyo, il y avait les autres villes autour, qui étaient matérialisées par des flocons d'avoine. Et il a laissé le blob sur Tokyo. Le blob a exploré son environnement, a connecté tous les flocons d'avoine et a formé un réseau. Et ce qu'a fait Toshi, c'est de comparer ce réseau avec le réseau ferroviaire japonais. Et donc, c'est là où c'était un petit peu une blague, parce qu'il a dit, finalement, son réseau, il est plus optimal, il est moins coûteux, il est plus robuste. Et donc là, il a eu son deuxième prix Ig Nobel pour un article quand même publié dans la revue Science. Ça, le blob est beaucoup plus intelligent que nous, entre guillemets, pour créer des réseaux optimisés. Il peut nous inspirer. Et puisqu'un chercheur anglais, d'ailleurs, en a tiré un algorithme, d'ailleurs. Oui, il y a des scientifiques qui ont traduit le comportement du blob en algorithme et ça permet de faire de la résolution de problèmes. Quand on a un problème de réseau, nous, on le fait régulièrement avec une entreprise toulousaine qui s'appelle Labsoft, où on essaye de minimiser en fait les réseaux de télécommunications, qui sont très énergivores, gros producteurs de CO2, Internet. Et donc, on demande au blob comment on pourrait optimiser ces réseaux de télécommunications pour qu'ils soient moins producteurs de CO2. Alors, pourquoi avoir commencé à travailler sur le blob? Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Quelles sont les propriétés que vous avez choisi d'étudier? Pour le comprendre, il faut remonter à 2008. À Sydney, quand vous croisez le chemin d'un blob, vous étiez alors occupé à étudier la nutrition chez les fourmis. On y vient, restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. h 17 sur France Culture, c'est avec plaisir que nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Audrey Dussautour. Nous venons de faire le portrait de votre objet d'étude, le blob, cette superstar de la science. Nous venons de voir qu'il s'agit d'un organisme vivant, constitué d'une seule cellule qui se déplace, qui apprend, qui peut entrer en état de sommeil avant de se réveiller, qui est capable de trouver le trajet le plus court dans un labyrinthe, le tout sans aucun muscle ni aucun neurone. Alors pour comprendre comment on vient à étudier une telle créature, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur votre parcours. Audrey Dussautour, vous êtes née le 31 décembre 1977 dans l'Aveyron, en France. Vous y avez fait toute votre scolarité. Est-ce que vous savez d'où vous vient le goût des sciences? Est-ce que vous avez un souvenir, enfant? Oui, plein. Je collectionnais les animaux de toutes sortes, insectes, hérissons. En fait, je viens d'une famille d'ouvriers, d'une famille nombreuse aussi, puisqu'on était quatre enfants, et seul mon père travaillait, il était ouvrier. Et donc, on était à la campagne, dans un tout petit village de 150 habitants, et j'étais en ce qu'on appelle en classe unique. Et c'est en fait l'avantage des classes uniques, c'est qu'on explore beaucoup notre environnement. Et je ramassais tout ce qui traînait, qui était vivant, quoi. Je collectionnais les grillons, je collectionnais déjà les fourmis à l'époque. Et j'avais vraiment une grande passion pour tout ce qui était le vivant et aussi le spatial à l'époque aussi. J'étais passionnée des étoiles. Donc c'était vraiment les sciences qui m'ont attirée dès le départ, dès petite. Oui, le spatial, parce qu'au départ, vous racontez que vous souhaitiez faire de l'astrophysique. Pourquoi vous êtes-vous orientée vers la biologie? Alors oui, j'ai voulu longtemps faire de l'astrophysique. Ma prof de physique au collège m'avait même offert une petite lunette. Mais à la fin de mon lycée, comme je suis, j'ai un comportement grégaire, hein, comme certaines femmes des fois. Surtout à l'époque, on n'encourageait pas beaucoup les femmes à faire de la physique, hein, faut le dire. Et toutes mes amies avaient allé en biologie, à la fac de biologie, et j'avais pas envie de me sentir toute seule en fac de physique. Et donc je les ai suivies au départ. C'était vraiment pour les suivre parce que j'avais pas d'idées vraiment préconçues entre la biologie et la physique, mais je sais qu'on ne m'avait pas encouragée à faire de la physique. Là, à ce moment-là, vous avez la curiosité de l'intelligence des insectes. Oui, en troisième année de biologie, à l'université Paul Sabatier, j'ai rencontré un professeur qui nous a présenté une matière que je ne connaissais pas, qui était l'éthologie, qui est l'étude du comportement des animaux. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Et je suis devenue fascinée par toutes ces études où on essaye de comprendre finalement comment un animal interagit avec son environnement, réagit aux contraintes de l'environnement. Et donc je me suis orientée en éthologie et là j'ai rencontré mon mentor, Jean-Louis Denebourg, qui était un spécialiste de l'intelligence collective des insectes sociaux et qui travaillait en particulier sur les fourmis. Et donc je l'ai supplié de me prendre en stage en Belgique, parce qu'il est belge, pour aller étudier les fourmis. Et donc c'est là qu'a commencé en fait mon histoire avec les fourmis, hein, qui continue toujours. Et mon premier objet d'étude était comment les fourmis organisent leur trafic quand elles vont manger en dehors de la colonie. C'est un sujet très bizarre, mais j'ai quand même passé 4 ans dessus. Pourquoi bizarre ? Mais quand on demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, j'étudie le trafic chez les fourmis, les gens rigolent beaucoup. Mais en effet, la question qui a été extrêmement simple, c'était pourquoi nous, on est tout le temps coincés dans les embouteillages et les fourmis ne le sont jamais, alors qu'elles atteignent des densités bien supérieures aux nôtres sur nos routes. Et finalement, c'était très intéressant d'étudier les fourmis parce qu'elles fonctionnent pas du tout comme nous. Nous, on est extrêmement centralisés, hiérarchisés, il y a des règles de fonctionnement. Et les fourmis, c'est un peu comme un système chaotique. Et c'est beaucoup plus efficace. et c'était extraordinaire, en fait, parce que j'ai vraiment passé 4 ans à essayer de tout faire pour créer un embouteillage chez les fourmis et j'ai jamais réussi. Jamais réussi à créer du bouchon. Mais en effet, hein, votre doctorat d'éthologie, vous l'obtenez en 2004, entre 2001 et 2004, hein, vous faites cette thèse sur l'organisation spatiale des fourmis, vous publiez vos résultats dans la revue Nature. Et en effet, vous démontrez que les bouchons n'existent pas chez les fourmis. Comment vous démontrez ça, d'ailleurs? Concrètement, on travaille sur les déplacements collectifs. On a des colonies de fourmis de grande taille, hein, puisque j'avais des colonies de plusieurs milliers d'individus, et on les affame un petit peu, mais c'est gentil. Hein. On respecte toujours nos fourmis, on les affame juste pour les motiver, et ensuite on met de la nourriture à l'autre bout d'un pont. C'est tout simple, hein, c'est comme une autoroute, sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moduler en fait la largeur de cette autoroute, et on va regarder comment les fourmis réagissent. Et ce que nous on attendait, c'est que quand on allait réduire en fait la largeur des routes, bah il y allait avoir moins de fourmis qui passent. Bah non, pas du tout. Là, elles trouvent des nouvelles organisations, elles alternent les directions pour pas rentrer en collision, pour fluidifier le trafic. Elles inventaient toujours des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Et voilà, donc toute ma thèse, j'ai travaillé avec comme des mini-dispositifs autoroutiers pour fourmis. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit le comportement des fourmis, parce qu'il faut imaginer qu'on compte toutes les fourmis. Et ensuite, on les suit une à une et on regarde les interactions qu'elles ont entre elles pour essayer de déterminer les règles de priorité, etc. Et donc, on va ensuite faire le lien entre ce qu'on a observé au niveau de l'individu et le collectif en faisant des mathématiques. On crée des algorithmes fourmis pour voir si on a bien compris en fait ce qui se passe. Et ce qu'on a vu, c'est que la fourmi, elle s'adapte à son environnement local. C'est-à-dire que la fourmi qui est face à une autre fourmi, si elle a la place pour se pousser, ben elle va se pousser, tout simplement. Et si celle d'en face n'a pas la place, ben c'est elle qui a la priorité. Et donc ça réagit vraiment à des petites contraintes locales et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Oui, nous autres humains, quand on est trop nombreux sur la même route, on est contraints de ralentir, mais les fourmis, elles, ne craignent pas les chocs aussi. Non, déjà, elles craignent pas les chocs et surtout, nous humains, par exemple, si vous avez ça arrive très souvent, je suis sûre que tout le monde a rencontré cette situation, vous êtes arrêté à un feu rouge et il se passe rien de l'autre côté. Vous voyez aucune voiture passer, mais vous êtes quand même arrêté. Chez les fourmis, ça n'existera jamais, ça. On ne s'arrête que s'il y a une fourmi qui doit passer devant, etc. Et pareil, nous, nos autoroutes, elles ont des largeurs fixes. C'est 2 fois 3 voies, alors que peut-être des fois, ça serait plus plastique qu'elles fassent 4 et 2. Et bien, chez les fourmis, elles adaptent comme ça. Si les flux sont asymétriques, c'est-à-dire qu'il y a plus de fourmis qui sortent que de fourmis qui reviennent, eh bien, elles n'occupent pas le même espace sur la route. Les fourmis sont donc bien plus expertes que nous dans l'art de réguler le trafic. Ça, c'est une preuve de l'efficacité de l'intelligence collective et distribuée des fourmis ? Oui, tout à fait. C'est que, en fait, la fourmi elle-même n'a pas idée de ce qui se passe au niveau de la colonie. Elle a vraiment ce qu'on appelle une petite information et c'est le partage d'informations qui fait que ça fonctionne. Les fourmis, quand elles se déplacent, par exemple, elles laissent des pistes sur les chemins pour ces pistes de phéromones, ce sont des petites molécules chimiques qui indiquent aux autres fourmis, bah, d'une part, où est la nourriture, quel chemin emprunter. C'est une forme de communication indirecte puisqu'elle marque le sol. Donc ce marquage va rester dans le temps. Donc ça vraiment, la fourmi n'a pas besoin d'être avec l'autre fourmi pour lui dire quelque chose. Elle a juste à laisser sa petite molécule sur le sol. Et ces petites interactions de fourmi à fourmi à fourmi, c'est ce qui fait émerger au niveau du collectif la solution. Et c'est vraiment un système de fonctionnement qui est un peu différent du nôtre. Oui, ça fait partie aussi de vos recherches et de vos travaux de démontrer que les fourmis communiquent par phéromones. Oui, c'est ça. Et elles utilisent parfois plusieurs phéromones. Elles vont utiliser une phéromone, par exemple, qui est plus territoriale pour dire « ici, c'est chez moi ». Et elles ont des phéromones. Et ces phéromones-là, par exemple, elles s'évaporent pas du tout rapidement. Et puis elles ont des phéromones qui s'évaporent rapidement pour dire « ah là, j'ai trouvé une source de nourriture ». Et elles vont avoir aussi des phéromones d'alarme pour signifier qu'il y a un danger. Donc voilà, toute cette communication chimique permet aux fourmis d'exploiter leur environnement de manière optimale. Vous êtes intéressée à la nutrition chez les fourmis, et notamment aux fourrageuses. Hein, ce sont elles qui rapportent la nourriture au nid. Vous le racontez dans l'Odyssée des fourmis, paru en 2022 aux éditions Grasset. Je vous en propose une lecture. Imaginez venir au monde dans une chambre obscure. Grandir auprès de vos frères et sœurs, mais loin de votre mère. Devoir vous mettre au travail dès vos premiers pas, alternant entre le nourrissage de votre famille, le nettoyage des chambres, le stockage de la nourriture, le forage des couloirs. Et ce, dans une demeure perpétuellement plongée dans le noir, à l'abri du monde extérieur et de ses tourments. Imaginez maintenant que vous êtes dans la force de l'âge et que vos sœurs vous encouragent à sortir de la maison pour aller chasser des proies ou cueillir des baies afin de nourrir votre fratrie. Vous n'avez jamais quitté le foyer et soudain, vous voilà propulsé dans un monde sans limite, baigné de lumière et peuplé de milliers de créatures plus effrayantes les unes que les autres. Dans ce macrocosme, pour trouver de la nourriture, il vous faut parcourir des dizaines de kilomètres dans la jungle ou en plein désert, en évitant de vous perdre. Échapper à des prédateurs qui feraient pâlir de jalousie le moindre tyrannosaure, capturer des proies de la taille d'une baleine, esquiver les attaques de peuples armés jusqu'aux dents qui courent après le même gibier que vous, et résister à la capture par des tribus voisines, au risque d'être asservies jusqu'à la fin de vos jours. Ce monde effrayant, vous pouvez l'affronter seul ou en compagnie de vos proches. Si vous avez la chance de revenir indemne de votre premier périple, une fois votre butin déposé sur le perron de la maison, il vous faudra repartir aussitôt car votre famille ne cesse de grandir et de quémander de la nourriture. Ces allers et retours, à travers ce monde impitoyable, ne cesseront qu'à votre mort. Un scénario de film d'horreur, un livre de science-fiction? Non, seulement le quotidien d'une fourmi. Une réaction à cette lecture, Audrey Dussutour? Je me rappelle le temps que j'ai mis à écrire ce texte. C'est vraiment ça. On ne s'imagine pas qu'une fourmi, elle passe la majorité de son temps dans le noir de sa colonie et qu'un jour, comme ça, elle va devoir sortir. Et c'est ça. En fait, la tâche la plus dangereuse, elle l'a fait à la fin de sa vie. C'est exactement l'opposé de ce que nous, on fait, humains. On envoie à la guerre nos jeunes. Les fourmis ne font jamais ça. Elles envoient leurs fourmis les plus âgées. Les fourmis en fin de vie, c'est celles qui font affronter tous les dangers. Parce que quand on est à l'intérieur de la colonie, on est protégé. On est dans le noir, c'est vrai qu'on s'occupe des jeunes sœurs, mais on est protégé. Une fois qu'une fourmi est dehors, il faut imaginer que tout est grand pour une fourmi. Et c'est dangereux, il faut mémoriser son chemin, il faut éviter la dessiccation, les problèmes météorologiques, mais aussi les autres insectes, les autres animaux. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces petites fourrageuses qu'on croise et que des fois, les gens seraient tentés d'écraser. Et quand on écrase une fourmi, en fait, on écrase une fourrageuse qui est en train de ramener de la nourriture à sa fratrie. Et c'est un peu triste. Oui, votre respect pour ces fourrageuses, dans ce texte, on le lit, hein, puisque vous dites que ces fourrageuses assurent à elles seules l'approvisionnement en nourriture de toute la colonie. Vous dites que ce sont d'authentiques super-héroïnes. Bah ouais, parce que c'est 10% de la colonie qui vont nourrir les 90% restants. Et sans ces fourrageuses, la colonie ne peut pas survivre. Et c'est vraiment les fourmis les plus importantes. Et c'est vrai qu'on a souvent, on se focalise sur la reine qui pond les œufs. Mais sans les fourrageuses, la colonie ne fonctionne pas. Vos travaux sur la nutrition collective démontrent que les fourmis fonctionnent comme des estomacs collectifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, parce que ça m'a toujours intriguée. Donc, on a ces fourrageuses qui sortent du nid et elles vont ramener de la nourriture. Et je me suis posé la question, mais comment elles savent ce qu'il faut ramener ? Parce que dans le nid, on a donc plusieurs individus. On a la reine qui a besoin d'énormément de protéines pour pondre des œufs. On a les larves qui ont besoin énormément de protéines pour grandir. Et puis, on a les adultes qui, eux, ont fini leur croissance depuis le début, depuis la métamorphose, et qui, donc, ont besoin surtout de sucre. Et donc, comment, en fait, gérer ces conflits ? Donc, c'est un peu comme quand vous allez faire les courses et qu'il y a un de vos enfants, il veut du brocoli, et puis l'autre, il veut un hamburger. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On achète les deux, on ramène que les brocolis. Et donc, je me suis demandé comment la fourrageuse communiquait avec les autres fourmis pour savoir quels étaient tes besoins nutritionnels, qu'est-ce qu'il fallait aller chercher dehors. Et donc, on s'est aperçu que quand on offrait à des colonies qui n'avaient pas de larves, deux sources de nourriture, elles préféraient les nourritures sucrées. Donc, elles allaient satisfaire leurs propres besoins alimentaires. Mais si on ajoutait des larves, énormément de larves dans la colonie, d'un coup, on voyait qu'elles changeaient complètement leur décision. Et cette fois, elles se dirigeaient vers les protéines et elles en ramenaient en grande quantité. Le problème des protéines, en grande quantité pour les adultes, c'est que c'est extrêmement toxique. C'est aussi toxique pour nous, c'est toxique pour tout le monde. Les protéines en trop grande quantité, ça crée en fait, c'est comme un poison. Et ce qu'on a vu, c'est que les fourmis, elles ramenaient donc cette nourriture, elles la mangeaient pas, elles la donnaient aux larves, les larves la mâchouillaient, et les larves, elles sont équipées, elles, pour digérer ces protéines, et elles allaient excréter, par leur anus, hein, une petite goutte de nourriture prédigérée, qu'elles allaient en fait offrir aux fourrageuses en retour. Donc c'était un petit peu comme si la larve était l'estomac portatif de la fourmi. Et donc comme ça, on a une division en fait du travail de la digestion. Comme on a une division de travail pour construire la colonie, on a de même pour la digestion. C'est ça, et que tous ces besoins sont adaptés aux besoins des larves. C'est ça, les larves c'est le plus important de la colonie, puisque c'est les jeunes sœurs qui vont ensuite faire le travail de la colonie, donc c'est très important. Et d'ailleurs, on a essayé de créer des conflits entre colonies, ça c'est une étude qu'on a fait très récemment, en 2020, où on s'est amusé à mélanger des fourmis qui avaient des besoins nutritionnels différents. Donc des fourrageuses qui étaient affamées en sucre avec des nourrices, donc les fourmis qui sont à l'intérieur, qui étaient affamées en protéines, pour voir qui on écoute. Et on voit que les fourrageuses ont tendance à plutôt écouter les besoins nutritionnels de la colonie, donc à s'oublier et vraiment à essayer de satisfaire les besoins de tous les membres de leur colonie. Ce qui est intéressant dans tous vos travaux et dans toutes vos études, c'est que pour comprendre le comportement des fourmis, il est assez fondamental de faire abstraction du mode de fonctionnement des sociétés humaines. Ah oui, parce que comme ça fonctionne à l'envers, vu qu'il n'y a pas de chef, c'est vrai que chez les fourmis, on a tout longtemps entendu parler de la reine, même le mot reine, sous-tend que c'est le chef, mais pas du tout. La reine, c'est une pondeuse, c'est une fourmi qui, dont le rôle est de pondre des œufs. Les nourrices ont pour rôle de s'occuper des larves. Il y a des fourmis qui ne font rien aussi, hein, qui sont des réserves, qui sont dans des chambres, qui ne font rien. Et donc les fourmis, comme ça, se divisent le travail. Mais il n'y a personne qui a dit « toi, t'es fourrageuse, toi, t'es nourrice ». Ça s'auto-organise et ça marche extrêmement bien. Et c'est aussi très plastique comme système. Le fait, par exemple, qu'il y ait 10% de la colonie, parfois, qui ne fait rien... c'est ce qui permet, par exemple, quand il y a un accident, qu'on perd d'un coup, je sais pas moi, la moitié de nos fourrageurs, ces fourmis qui ne faisaient rien, elles sont recrutées pour devenir les nouvelles fourrageuses. Mais tout ça sans PDG. Mais la colonie de fourmis, donc on peut la comprendre qu'en prenant en compte les interactions collectives en fait entre les individus. Exactement, c'est vraiment lié à des mécanismes qui sont extrêmement simples. Par exemple, quand la fourmi naît, elle est très grasse. Elle est très grasse, donc elle n'a pas vraiment faim. Et donc, elle ne sort pas du nid. Et les fourrageuses, qui, elles, sont un peu plus fines, un peu plus maigres, sortent du nid pour ramener de la nourriture. Elles vont ramener la nourriture à cette fourmi qui est grasse et qui engraisse. Et donc, plus elle engraisse, moins elle sort, etc. Et plus une fourmi grandit dans la colonie, au début, elle s'occupe des larves, parce qu'elle est près des larves, et puis après, elle s'éloigne petit à petit, elle va dans la construction. Et plus elle s'éloigne, plus elle se rapproche de la sortie, et plus elle a de chances de devenir fourrageuse. Donc, la tâche de la fourmi est aussi liée à où je suis dans la colonie, au niveau spatial. En 2008, vous délaissez un moment ces insectes pour étudier le blob et nous verrons comment la nutrition et l'organisation collective resteront centrales dans vos travaux. Creature of the night, just a creature. Tijuana Panthers Creatures à 16h36 sur France Culture, car nous parlons de cette petite créature qu'est le Blob avec Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Audrey Dussutour qui est venue accompagnée de deux Blobs. Nous venons de voir que ce qui vous a intéressé dans un premier temps dans vos travaux, c'est de comprendre comment des fourmis interagissent avec leur environnement, que la colonie de fourmis, on ne peut la comprendre qu'en prenant en compte les interactions collectives entre les individus. Pour comprendre le blob, il faut voir ces interactions dans la cellule. Exactement. Parce que j'étais passionnée chez les fourmis par les prises de décision dans le contexte alimentaire. Et quand j'ai travaillé avec le blob, c'était aussi la même question. On voulait savoir si le blob était capable de résoudre des défis nutritionnels, comme les fourmis, c'est-à-dire quand on le plaçait face à des sources de nourriture de différentes qualités, est-ce qu'il était capable de choisir celle qui allait maximiser sa croissance ? Donc quand on fait une expérience comme ça chez les fourmis, par exemple, on va élever plein de fourmis sur des nourritures différentes, et une fois qu'on a établi quelle était la nourriture qui allait maximiser la croissance de la colonie, on les met face à un choix entre deux sources de nourriture et on regarde si elles sont capables de se diriger vers la bonne nourriture. Là, c'est assez facile, on compte des fourmis qui vont vers une source de nourriture. Et l'idée, c'était de voir si un organisme beaucoup plus simple était capable de faire la même chose, parce que le point commun entre les fourmis et le blob, c'est cette intelligence distribuée. Donc, comme chez les fourmis, il n'y a pas de chef, chez le blob, il n'y a pas de cerveau. Et donc, le but, c'était de voir comment une cellule pourrait résoudre des défis nutritionnels. Donc on a employé exactement la même méthodologie, on a fait des diètes pour blobs, on a cuisiné pour les blobs, des nourritures où on pouvait maîtriser la quantité de protéines et de sucre dans chacune de nos, on appelle ça des diètes, et on a placé nos petits blobs dessus. Donc il y avait des nourritures très sucrées, des nourritures très protéinées, on regardait comment notre blob grandissait, et bien sûr on a trouvé une nourriture optimale. Ouais, ce génie nutritionnel, vous le racontez également dans cet ouvrage « Moi, le blob », vous y racontez l'histoire du blob du point de vue du blob. Je suis donc capable de détecter de multiples nutriments, vitamines et minéraux qui sont essentiels à ma croissance. Toutefois, dans la nature, il m'arrive rarement de croiser la route d'un mets parfaitement équilibré. Les bactéries et les champignons sont plus ou moins gras, sucrés ou protéinés. Il me faut donc dévorer intelligemment afin d'équilibrer mon régime alimentaire et de ne souffrir d'aucune carence ni d'aucun excès. Contrairement à vous, je cherche à grossir le plus possible, tout en restant en bonne santé. Mon succès reproducteur, autrement dit le nombre de mes descendants viables, dépend de ma croissance. Plus je grandis, plus je produis de rejetons. En 2010, Audrey Dussutour met en évidence que moi, petit être insignifiant à vos yeux, je suis un vrai génie de la nutrition, là où vous, désolé, échouez lamentablement. Audrey me place tout d'abord dans une cafétéria minimaliste, sous-estimant certainement mes capacités. Me voilà donc entre deux plats, l'un trop sucré, le second trop protéiné. Aucun problème pour moi, je lance deux pseudopodes, un à gauche et un à droite. Les deux flancs ainsi connectés, je peux puiser les nutriments nécessaires à partir de ces deux assiettes. La chercheuse me propose ainsi six variations de ses choix qui ne sont, pour le moins, pas du tout cornéliens. À chaque fois, elle constate que j'équilibre à la perfection mon régime sans faire d'excès. Je grandis comme si elle m'avait offert mon régime alimentaire optimal. Elle décide alors de corser le jeu et me dépose au centre d'une arène. Autour de moi, elle ordonne en cercle, à 5 cm de distance, 11 flancs offrant chacun une quantité de sucre et de protéines différentes. Seul l'un d'entre eux correspond à la perfection à mes besoins nutritionnels. À sa grande surprise, elle observe que je me dirige directement vers cette nourriture qui maximise ma croissance. Elle en reste stupéfaite et répète l'expérience 30 fois. Audrey Dussutour, stupéfaite alors. Ah oui, c'est surtout que quand je travaillais sur les fourmis, on avait des jolis résultats avec les fourmis. Bon, il y avait quand même toujours beaucoup de bruit autour des données. Et le blob, c'était impressionnant. Au début, j'y croyais vraiment pas, parce qu'à chaque fois que je faisais une expérience, c'était parfait. C'était... Qu'est-ce que c'est que ce bruit de données, justement ? Expliquez-nous. Quand les fourmis, on leur donne un choix entre deux sources de nourriture, on va dire que dans 70% des cas, elles choisissent la bonne nourriture, mais il y a toujours 30% des cas où elles se trompent. Et le blob, non. C'était vraiment, c'était assez impressionnant à voir parce que je m'attendais à ce qu'il se trompe plus. Plus simple, je me disais, il va y arriver moins bien. En réalité, c'est encore un problème de point de vue parce que finalement, être plus simple, c'est moins de complexité aussi et peut-être moins soumis aux contraintes environnementales. Et c'est finalement, quand maintenant j'y réfléchis à cette surprise, j'aurais pas dû être surprise puisque le blob, c'est une seule cellule. Et donc, il n'a pas, en fait, comme les fourmis. Les fourmis, il y a quand même, quand elles mangent de la nourriture, ça va dans l'estomac, ça va revenir dans le cerveau, etc. Donc, on peut imaginer que pendant toute cette route que fait la nourriture, il peut y avoir des courts-circuits. Chez le blob, il n'y a qu'une cellule. Donc, finalement, trouver son régime nutritionnel optimal était peut-être plus facile pour lui. Donc, le blob, ce génie de la nutrition, vous montrez aussi que le blob communique avec ses congénères. Comment s'y prend-il ? Alors, il communique, mais indirectement. Il laisse, en fait, ce qu'on appelle des indices dans l'environnement. C'est-à-dire que le blob, quand il mange, il rejette des minéraux à l'issue de la digestion des flocons d'avoine, et en particulier beaucoup de calcium. Et donc, c'est ses excréments. Hein. Et ces excréments sont très attractifs pour ses congénères. Et donc, si vous mettez deux blobs dans une boîte, ils vont souvent aller l'un vers l'autre parce qu'ils se perçoivent à distance. Hein. Ils perçoivent ce calcium qui est sécrété dans l'environnement. Et de même, quand un blob est stressé, alors ça peut être un stress lumineux, ou bien on l'a affamé pendant deux jours, ou on l'a empoisonné avec un petit poison, il va sécréter une substance dont on n'a pas encore identifié, qui éloigne les autres blobs à l'inverse. Un blob stressé, il n'y a rien de plus répulsif pour un autre blob. Et en particulier un blob affamé. Si on affame un blob pendant deux jours et on le met dans une boîte, les autres, ils ne s'approchent pas, ils fuient à l'autre bout de la boîte. Donc les blobs peuvent aussi signaler un danger aux autres blobs. Exactement, sans qu'ils aient besoin même de rencontrer le danger eux-mêmes. Parce que ce que vous faites également dans vos travaux, c'est d'étudier la prise de décision chez le blob. Comment ça on peut apprendre d'un comportement sur le blob. Quelles ont été vos expériences? Alors, pour les prises de décision, on met le blob dans une petite boîte et on lui offre plusieurs options et on les met à distance pour qu'il y ait vraiment un mouvement actif du blob vers un des patchs alimentaires. Parce que pour qu'il y ait décision, il faut que le blob se déplace vers un patch. Et on a fait plusieurs types d'expériences. Par exemple, on a montré, il y a un compromis chez l'humain aussi, qui existe chez tous les animaux, entre la vitesse de décision et la précision d'une décision. La plupart du temps, si on répond très rapidement à une question, on a plus de chances de se tromper que si on prend le temps de réfléchir. Et on a montré que le blob aussi était sensible à ça. Donc on a des blobs qui sont plus rapides que d'autres dans notre laboratoire, des souches qui sont plus rapides. On a une souche japonaise qui est extrêmement rapide, qui se déplace rapidement. Et si on la met face à deux sources de nourriture de qualité différente, elle se trompe plus souvent que notre souche australienne qui est extrêmement lente, qui se déplace tout doucement, qui elle se trompe quasiment jamais. Et donc ce compromis qu'on appelle le compromis vitesse-précision, on va le retrouver chez tous les animaux et chez le blob aussi. Et vous montrez vous montrez cette capacité de prise de décision, et vous montrez aussi, votre équipe a démontré récemment que l'apprentissage est possible chez les blobs dans une expérience. Vous avez montré, les blobs ont été capables d'effectuer, de transmettre à un congénère un type particulier d'apprentissage, l'habituation. Alors ça, je veux bien qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est et comment étudier l'habituation chez un organisme unicellulaire. Alors l'habituation, c'est une forme extrêmement simple d'apprentissage, la forme la plus simple. C'est apprendre à ignorer un stimulus qui est gênant mais inoffensif. Par exemple, ça peut être les klaxons des voitures si on est à Paris. Au bout d'un moment, on les entend plus. Ou une mauvaise odeur. Des fois, on la sent plus. Ou comme taper sur la patte d'un chat. Exactement. Au départ, il enlève sa patte. Et puis, au bout d'un moment, bon, ben voilà. Il s'y fait. Et on voulait savoir si le blob était capable d'apprendre à ignorer des substances qu'il aime pas, parce que le blob, il y a plein de substances qu'il aime pas du tout. Elles sont pas forcément nocives, mais il refuse d'aller vers ces substances. Et on a essayé, par exemple, avec la caféine. Le blob, contrairement à nous, n'aime pas du tout la caféine. Et l'expérience est toute simple. Vous mettez un blob, vous mettez un pont, et de l'autre côté, vous mettez un flan d'avoine. Et dans le pont, vous mettez de la caféine. Et le premier jour où le blob rencontre ce pont, clairement, il ne veut pas y aller. Il n'a pas le choix, parce qu'il peut aller nulle part. Donc, il va commencer à traverser, mais il va mettre extrêmement longtemps. Il va tout faire pour essayer d'éviter de toucher le pont. C'est très, très rigolo à voir, parce que même sa forme change. Et puis, au bout d'un moment, il arrive au bout. Et nous, on est méchants scientifiques, on lui dit, tu recommences. Forcer les blobs. Et puis, au bout de la fin de la semaine, après cinq traversées, on voit qu'il traverse sans aucun problème. Et donc, c'est un phénomène qu'on appelle l'habituation. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si vous avez un blob qui a été entraîné à ignorer la caféine, il peut transmettre ce comportement appris à un autre blob par fusion. Parce que deux blobs qui sont génétiquement identiques peuvent fusionner pour former un seul blob. Et donc, on a fait ces expériences où on a pris un blob qu'on avait entraîné à ignorer la caféine avec des blobs complètement naïfs qui haïssaient la caféine. Et on a montré que l'information passait de l'un à l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un blob qui est habitué à la caféine et un blob qui ne connaît pas, un blob naïf. C'est ça. Et la fusion de ces deux blobs fait qu'il a compris que le pont caféiné était sans danger. Exactement, on le place, le naïf qui ne l'est plus du coup, suite à la fusion, traverse le pont avec de la caféine sans aucun problème. Et on a fait des chaînes de transmission jusqu'à plus de 5 blobs, où on en avait un seul qui avait été entraîné. Avec 4 autres naïfs, ben les 4 autres arrivaient à récupérer l'information. Bah comment cette information, comment l'information que le blob échange avec son cogénère circule, comment expliquer ça? Alors ça c'est sur, on a un peu identifié le mécanisme, mais vraiment on est au tout début de la compréhension du phénomène. Ce qu'on a vu, c'est que quand la fusion dure une seule heure, ça ne marche pas. Donc là, ça nous a donné quand même une indication. Au bout d'une heure, les blobs, ils ont juste fusionné les membranes. Si on laisse la fusion durer 3 heures, on voit qu'on a une fusion des réseaux veineux et donc un partage du cytoplasme qui est le liquide intracellulaire. Et là, ça marche. Donc on se dit, il faut qu'il y ait un partage, il faut que ce liquide en fait s'échange entre les deux blobs pour que ça marche. Donc il y a quelque chose qui circule dans le réseau veineux. Et au début, on a eu une hypothèse qui est venue d'une expérience rigolote. On s'était posé la question, vu que le blob pouvait transférer de l'information à un autre blob, on s'est dit, si j'entraîne un blob avec de la caféine, et je prends un autre blob et je l'entraîne avec une autre substance, la quinine, qui est une substance amère qui est dans le Schweppes. Est-ce que si je fais fusionner les deux, ben ils vont avoir deux informations? Est-ce qu'ils auront appris les deux? Et là, on a vu, quand on a placé nos blobs côte à côte, que celui qui a été entraîné à la caféine, il a fui l'autre. Mais vraiment, il est parti à l'opposé de la boîte, il n'a pas du tout voulu fusionner. Et ça a été bizarre, parce que habituellement, les blobs aiment bien fusionner l'un avec l'autre. Et on s'est dit, il ne faudrait pas que celui qui est entraîné à la quinine, il sente la quinine. Il est la quinine en lui. Et c'est là d'où est venue cette idée que peut-être le blob, quand il traversait le pont, il ne faisait pas juste que traverser, mais il absorbait la substance. Et pour mesurer en fait la quantité d'une substance à l'intérieur d'un blob, ben ce qu'on fait, c'est on fait une prise de sang. Mais là, c'est une prise de cytoplasme. Donc, on a prélevé en fait son cytoplasme et on a fait une analyse chimique. Et là, on avait travaillé avec des blobs qui étaient entraînés avec du sel parce que c'est facile à doser. Et on s'est aperçu qu'en effet, les blobs étaient gorgés de sel. Donc, le blob ne faisait pas juste que passer, traverser des ponts salés. Il absorbait le sel et que la mémoire, finalement, c'était la substance elle-même. C'est-à-dire qu'en incorporant dans le cytoplasme ces substances, en incorporant tout ça à l'intérieur du réseau des veines, c'est ça qui est géré comme une forme de mémoire. Exactement. Et pour vérifier cette hypothèse, on a fait une chose très simple. On a pris un blob naïf. Cette fois, on n'a pas fait une prise de sang, mais on lui a injecté une substance pour voir son comportement. Et donc, on avait injecté du sel dans un blob et on l'a mis face... C'était un blob complètement naïf. On lui a injecté du sel, on l'a mis face à un pont salé. Et là, on a vu qu'il traversait plus facilement qu'un blob naïf, par contre, pas aussi bien qu'un blob qui avait été entraîné pendant 5 jours. Donc, il nous manquait un petit bout du mécanisme. Il y a quelque chose qui nous était encore inconnu. Et récemment, on a montré qu'il y avait une autre forme de mémoire chez le blob qui était morphologique. Le blob, quand il apprend, il change de forme. Son réseau devient différent. Il construit des veines beaucoup plus grosses quand il doit traverser des ponts salés, comme s'il nécessitait d'être plus musclé. Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on a dit le blob n'a pas de muscles, mais il a les protéines contractiles que nous, on a dans nos muscles. L'actine et la myosine, qui sont des protéines qui vous permettent de contracter vos muscles. On les retrouve dans le blob, c'est les mêmes. Et lui, ça lui permet de contracter ses veines. En contractant ses veines, le blob, il avance. Et comme il avance sur un pont salé, il n'a pas envie d'y aller, il a besoin d'avoir des grosses veines pour contracter énormément. Donc, il y a une mémoire morphologique aussi. De visu, comme ça, en tant que scientifique, différencier un blob qui a appris le sel d'un blob qui n'a pas appris le sel rien qu'en regardant le réseau veineux. Le blob n'est pas au bout de toutes ses capacités exceptionnelles, parce que là, dans une étude très récente, Audrey Dussutour a vous montré que le blob est aussi capable de rajeunir. Oui. Alors, déjà, avant de parler de ces capacités-là, quels sont les signes de vieillissement chez un vieux blob? Alors, on a suivi des blobs pendant plusieurs années. Et on a mesuré leur comportement, prise de décision, réponse au stress, vitesse de déplacement. Et on a montré que plus un blob vieillit, plus il se déplace lentement et plus il est stressé par les conditions environnementales. Température, stress chimique. Donc un blob vieux, c'est un blob lent et stressé. Et c'est assez net comme effet. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on le met en dormance, pendant un mois ou même une semaine, ça marche aussi, et qu'on le réveille, tous ces effets du vieillissement disparaissent, en tout cas sur la semaine où on les a observés. Et encore plus fou, si on fait fusionner un blob qui est très âgé, donc dans notre expérience il avait 2 ans, avec un blob jeune d'un mois, le blob âgé arrive à récupérer aussi. Suite à la fusion, comme avec le transfert d'apprentissage, là c'est un peu le transfert de la jeunesse. Le blob âgé, quand on le testait, il avait les performances d'un blob jeune. Oui, on parle là aussi de réjuvénation, les capacités de blob d'inverser leur vieillissement. Audrey Dussoutour, vous faites aussi de la médiation. On va parler de votre intérêt pour la vulgarisation de vos idées originales pour sensibiliser des personnes de tout âge et tout type de public. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Sur France Culture, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Audrey Dussoutour, l'une des plus grandes spécialistes du blob. En 2021, sous votre initiative, Thomas Pesquet a embarqué des blobs pour son voyage spatial vers l'ISS. Pourquoi envoyer un blob dans l'espace? C'était une idée commune avec le CNES, et c'est le CNES qui m'a donné cette opportunité. C'était suite à une conférence que j'avais fait au CNES, et le service éducation jeunesse du CNES est venu à la fin de la conférence et dit « Oh là là, Audrey, on va envoyer un blob dans l'espace !» Parce qu'à chaque fois que Thomas Pesquet part à bord de l'ISS, il y a toujours un projet éducatif. La première fois, ça avait été de faire pousser des lentilles, et donc cette fois, ça a été de faire grandir un blob à bord de l'ISS. Et en parallèle, on avait donc 5000 établissements scolaires, dont 350 000 élèves, qui ont participé à cette expérience et qui ont, eux, fait grandir des blobs à l'école. Et vous avez d'ailleurs surnommé un de ces blobs partis dans l'espace, Blobby One Kenobi. C'était Lu, le blob Lu. Il a eu la chance, les clones de lui ont eu la chance d'aller à bord de l'ISS. Je veux dire, le blob est plus chanceux que nous, quoi. Et lui, il a eu le droit d'aller à bord de l'ISS. Donc là, les classes ont mené donc la même expérience que celle qui est menée en micro-apesanteur. Quelle était justement cette expérience? Alors, il y avait 2 expériences. Il y en avait une qui s'appelait exploration, où on regardait comment le blob explorait son environnement. Donc le but, c'est de voir l'effet de la microgravité sur le comportement d'exploration. Et la deuxième était une expérience qui s'appelait exploitation, où le blob devait former un petit réseau entre des flocons d'avoine. Et on regardait l'optimisation des trajets, un petit peu comme dans l'expérience de Toshi, mais en miniature. Et les enfants ont fait exactement la même expérience dans les classes, et donc tous les enseignants ont dû se former à l'élevage du blob. En 2017, Audrey Dussoutour, vous publiez aux éditions des Équateurs l'ouvrage « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander ». Ce livre a reçu le prix Science pour tous. En 2021, vous êtes également lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS. On a parlé tout au long de cette heure de votre méthode scientifique, de vos travaux. J'aimerais qu'on parle de votre méthode de vulgarisation. Comment est-ce qu'on s'adresse au plus grand nombre pour parler de cette drôle de bestiole? Comment vous, vous y prenez pour vulgariser des notions parfois complexes? Alors, je fais de la médiation scientifique depuis mon doctorat, et j'ai commencé par les enfants parce que je trouve que c'est un public qui nous pousse à mieux nous exprimer, en réalité, et à connaître mieux aussi notre recherche. Moi, j'ai beaucoup appris de la médiation, et les gens ne pensent pas qu'on va apprendre, et ils ont l'impression qu'on va partager des connaissances avec des personnes, mais en réalité, on gagne, nous, énormément. Parce que dans les écoles, on nous pose toujours des questions que les collègues ne vont jamais nous poser, et les enfants, ils vont vous coincer, parce que les enfants, ils grattent. Par exemple, me dire comment le blob il perçoit la lumière grâce à des photorécepteurs. C'est quoi des photorécepteurs? C'est des protéines. Mais comment ça marche? Et donc là, on retourne au labo. Ah mais comment ça marche? Et je connais mieux le blob maintenant grâce à ça, grâce à la médiation, parce que ça me pousse toujours à être sûr que je connais bien mon modèle expérimental. Parce que ça vous pose des questions qui... Mais oui, exactement. On apprend énormément. C'est vraiment intéressant de... Quand on discute médiation avec des collègues, ils ont pas en fait cette perception de la médiation, mais vraiment c'est quelque chose que depuis des années je vois. Je me suis beaucoup améliorée grâce à ça. En fait, les gens m'améliorent. Les gens que je rencontre, parce que ça me force vraiment à me poser des questions sur le fonctionnement de cet organisme que je m'étais pas posé avant. Et des fois, on peut vraiment, par exemple, étudier des fourmis pendant 10 ans, mais passer à côté de quelque chose parce qu'on est focalisé sur une toute petite question. Et l'avantage de parler avec le grand public, c'est que ça part dans tous les sens. Et on a besoin de ça, parce que finalement, des fois, ça m'a donné des idées d'expérience d'aller dans les écoles. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. et donc, voilà, j'ai commencé avec les enfants, et finalement, maintenant, je fais tous les publics. J'ai été dans les prisons, dans les EHPAD. Et là, dernièrement, avec le CNRS, on a monté un projet avec tout type de citoyens. Et c'est très enrichissant. Et je pense que c'est enrichissant pour nous comme pour eux, parce que eux, ben, ils apprennent la méthode scientifique. Et ça, je pense que c'est pas un mal, parce que c'est pas quelque chose qui est enseigné. Comment on fait de la recherche, comment on pose une hypothèse, comment on établit un protocole expérimental, comment on analyse des données, comment on repose des hypothèses, comment interpréter les résultats. Et tout ça, c'est important pour, même quand on appréhende, en fait, une donnée scientifique qui est communiquée dans les médias, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette donnée. C'est un résultat, c'est tout petit par rapport à la recherche elle-même. Et donc voilà, ce projet de recherche, donc qui s'appelait Derrière le blob, la recherche, ça nous a permis ça, de partager la méthode scientifique avec 15 000 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied. Derrière le blob, la recherche, ce projet de science participative, vous évoquiez à l'instant, en effet, vos interventions en prison avec l'association Les Étoiles Brillent pour Tous. On arrive à la toute fin de cette émission, mais est-ce que vous auriez un souvenir particulier qui vous a touché lors de ces échanges? Alors, je n'ai pas vraiment un, parce que j'en ai des milliers. Et je pense que mon plus bel échange de médiation, c'est quand on a fait Big Blob Record, qui était on voulait battre le record de la plus longue cellule au monde. Et on s'est tous donné rendez-vous à Châteauroux, les gens qui avaient participé au projet Élève ton Blob. Et donc, toutes les écoles, parce que j'avais interagi avec eux pendant des mois, et c'était un vrai plaisir de les rencontrer. Et on a eu énormément d'échanges, et surtout de voir que les enfants, d'une expérience d'une semaine, qui devait vraiment durer une semaine, ils ont fait une année des expériences sur le blob. Ils avaient des posters, ils avaient tellement de choses à partager, et puis de se retrouver tous, alors qu'on avait vraiment partagé à distance, c'était magnifique, et c'était une journée vraiment très très belle. Eh bien, merci beaucoup d'avoir rendu notre après-midi, d'avoir rendu cette fin de journée très belle également. Merci Audrey Dussoutour, merci également pour Lu, pour ce blob. Toute l'équipe de la science CQFD est très heureuse de cette adoption. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe, merci à Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Nafi Terras, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Natacha Demoule. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Timothée Hubert. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.